بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ اليوم السؤال 78 بعد المية 178 كيستيون. سؤال أي شيخ رحمه الله تعالى: لا يخفى عليكم كثرة الألفاظ غير العربية المستعملة بين المسلمين مثل البيجار والليموزين، والمشكلة هي عدم وجود المرادف من اللغات العربية إلى بعد انتشار الاسم الأعجمي، أو أن المرادف يكون طويلا فلا يميل الناس إليه. أرجو توجيها وجزاكم الله خيرا. Il faut interroger que beaucoup de termes non arabes sont employés par les musulmans et là par des arabophones, comme par exemple pigeur, qui serait ce qu'on appelle un... ça n'existe plus aujourd'hui, mais fut un temps avant que le téléphone portable n'existe, qu'on appelle un pigeur, c'est comme une forme de un beeper. C'était une chose qui par laquelle on s'envoyait des messages écrits. Ça existait avant le téléphone portable il y a longtemps. Il y a au moins plus de 30 ans. Certains ne l'ont pas connu. Et en fait, c'est un mot anglais. Quand on est au limousine, limousine, c'est connu. Ce sont les longues voitures de luxe. Et donc, il dit, le questionnaire, le problème, c'est qu'on ne trouve pas d'équivalent en langue arabe à ces mots. Si ce n'est après que le mot se soit propagé au sein des gens. Ou alors, s'il y a même un équivalent en arabe, il est très long. Donc les gens ne s'y intéressent pas. Donc on espère de vous dire une indication et qu'Allah vous rétribuera en bien. فأجاب رحمه الله تعالى: أولا جزاك الله خيرا لدفاعك عن اللغة العربية التي نزل بها القرآن والتي هي أشرف اللغات أو لغات العالم، حتى روي أنها لغة أهل الجنة الأولين والآخرين. Donc il a dit en premier lieu qu'Allah te récompense en bien pour ta prise de défense de la langue arabe, qui est la langue par laquelle a été révélé le Coran et qui est la plus noble des langues dans le monde. Et il était même rapporté qu'elle était la langue des gens du paradis. Et cette parole-là n'a pas de preuve à l'appui. Quelle est la langue des gens du paradis? Ce qu'on sait, c'est que la salutation dans le paradis sera salam. Wa tahiyatuhum fiha salam, comme a déjà fait le Coran. Ça na'am. Donc on parlera arabe dans le Jannah, il n'y a pas de preuve authentique. Mais c'est une chose que beaucoup de gens se répètent. Wa fil haqiqa kama tafaddalta yanbaghi an yuj'al badal hadhihi al-kalimat al-a'jamiyya kalimatun 'arabiyya. مثلا البيجر يسمى بالنداء الآلي أو المنادي، والليموزين هي سيارة الأجرة. Donc il a dit, et tu as raison, car en réalité, il faut qu'on emploie les termes arabes qui sont employés pour ces paroles-là, s'ils existent. Par exemple, un pager, ce qu'on appelle un pager, un beeper, qu'on appelait nous en France, faudra appeler ça Nida al-Ali ou al-Munadi, comme une chose qui t'avertit, un avertisseur, on dirait comme ça en français. Et limousine, il dit que c'est soit un taxi ou soit alors une voiture de location. Et ça, je sais pas dans quel sens ils l'ont pris chez eux, mais c'est connu qu'en français, une limousine, c'est une voiture qui est longue de luxe. C'est une longue voiture de luxe, luxueuse. C'est pas forcément une voiture qu'on loue ou une voiture taxi. Des fois, les limousines, souvent, elles ont un propriétaire. Hein, comme les hommes d'affaires, comme les hommes politiques, comme les stars et autres. وإذا احتاد الناس ذلك زال الاسم الأعجمي على أن هذه المسألة ليست مهمة جدا، لأن هذه الكلمة ليست لشيء معين وليست كلمة معنى يدور بين الناس وينتقل المعنى العربي إلى معنى غير عربي. Et il a dit donc, si les gens connaissent l'équivalent en arabe, ils doivent l'employer. Bien que cette masala n'est pas vraiment primordiale, car cela ne change pas la langue arabe en soi, car cela est employé que dans des termes particuliers. وقد ذكر في القرآن الكريم أشياء معربة وهي أعجمية مثل سندس واستبرق. وما أشبهها. Donc il a dit que dans le Coran, il y a des mots qui ont été employés qui n'étaient pas des mots arabes, mais qui ont été des mots qui ont été arabisés. On appelle ça mu'arrab. Comme sundus ou istibrak. Même le mot amin, que l'on dit à la fin de la fatiha amin, ce n'est pas un mot arabe. Mais qui veut dire qu'il y a une demande qui dit Allahumma stajib, ou Allah répond à ma demande. Même qu'avant, kazalik, le mot sarawil, sarawil, que les gens disent, aujourd'hui ils disent sirwel. Sirwel, c'est un mot qui est d'Alija, c'est un mot de dialecte, c'est pas un mot arabe. Et le vrai mot, c'est sarawil, pour dire c'est les pantalons qu'on porte en islam, les pantalons larges. Sarawil. Et ça, c'est un mot qui est perse, à la base. Et pourtant, il était arabisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a employé. Et sarawil, on dirait que c'est un pluriel, alors que c'est un singulier. Et son pluriel, c'est sarawilat. Jam anas salim. On répète souvent cette faïda, mais inchallah, elle apporte son profit. Donc, l'auteur, pour conclure, il dit que si on n'a pas d'équivalent en arabe, pas de mal que l'on emploie un mot qui soit non arabe. Et que si par contre on a l'équivalent en arabe, alors le préférable, c'est d'employer le mot arabe, afin de préserver cette langue. Naam. ثم قال في السؤال 79 بعد المئة سؤال الشيخ رحمه الله تعالى une question qui est similaire يقول يدخل البعض في الطيبات كلمه العربي كلمات أعجمية عندما نتحدث معه وربما كانت هذه الكلمات لا حاجة لها فما تعليقكم على هذا الأمر donc il est interrogé par des gens qui insèrent dans leur discours arabe, ils y mettent des mots étrangers lorsque tu parles avec eux. Et ils disent, ou il dit le questionneur, qu'il est même possible que cette parole ou ce mot étranger soit inutile. Donc quel est votre commentaire par rapport à ce comportement? فأجاب رحمه الله تعالى تعليقي أن المسلم ينبغي له أن لا يتكلم بغير العربية. إلى ذلك دعت الحاجة إلى ذلك لكون الشيء معروفا باسمه غير عربي أو كون المخاطب لا يفهم من العربية إلى قليلة فإن هذا لا بأس به. Donc il a dit, ce que je dis c'est que les musulmans ne doivent pas parler par une autre langue que celle de l'arabe, sauf en cas de besoin, comme par exemple que le mot qu'il emploie ne soit connu que par un mot étranger. Par exemple, c'est un mot qui n'a pas d'équivalent en français, en arabe. Donc c'est un mot étranger, donc à ce moment-là, pas de mal de l'employer. Ou alors, si tu parles à quelqu'un qui ne parle pas l'arabe, ou qui ne parle que très peu l'arabe, pas de mal de lui parler avec la langue qu'il comprend. D'ailleurs, comme a dit Allah, « Wa marsana min rasoulin illa bilisani qawmihi liubayyina lahum » Nous n'avons pas envoyé de messager, ce n'est pas la langue de son peuple, pour leur éclaircir. Donc parler aux gens d'un peuple qui ne parle pas l'arabe par leur langue, cela est tout à fait normal. Donc les gens, le but c'est que les gens y comprennent. Sans quoi, s'il n'y a pas de besoin et que les gens parlent l'arabe, qu'ils parlent l'arabe entre eux. Le problème c'est que souvent on est fainéant. Non pas qu'on aime le français ou les autres, par exemple les Américains, les Anglais aiment leur langue, mais c'est que ça demande un effort de réfléchir. Et cet effort-là, eh ben souvent on a la paresse. Donc on préfère parler notre langue par paresse et parce qu'on est habitué. C'est tout. Sans quoi, celui qui préfère une langue étrangère à la langue arabe, alors qu'il peut parler la langue arabe, Sheikh Islam, il dit que ça fait partie des branches de l'hypocrisie. Déjà de la sorte. Celui qui parle arabe et qui sait parler l'arabe, et voire même c'est sa langue maternelle, c'est-à-dire sa langue normale, lui, il n'a pas à parler une autre langue. Par exemple, des fois, tu vas voir des arabes, tu vas aller dans les pays arabes, et ils vont peut-être parler en français, par exemple, alors que tu parles arabe, ou entre eux. Ils sont entre eux, par exemple, tu vas voir, je sais pas moi, les Algériens parlent français entre eux. Ça, c'est mauvais, ça. Les Marocains, des Tunisiens, je parle des pays du Maghreb, parce qu'ils sont des pays qui, à la base, ont été colonisés et donc qui parlent le français. Et autres, même des pays d'Afrique noire, le Mali, Sénégal, tout ça. S'ils ont la langue arabe, et qu'ils sont arabophones, bah, beaucoup, dans ces pays-là, au Mali et au Sénégal, beaucoup sont arabophones, faut pas croire. Ces gens-là n'ont pas à parler une langue étrangère. à part peut-être leur dialecte à eux, mais une langue, par exemple, comme le français, l'anglais, alors que ce n'est pas leur langue, ça, c'est une chose qui n'aura pas permise. Sauf dans les conditions que le shir a citées. يقول أما إذا كان الإنسان عربيا وهذا الشيء الذي تحدث عنه لو اسم في اللغة العربية فينبغي له أن يأتي بشيء آخر من اللغات الأخرى لأن أفضل لأنها طيب لأن أفضل اللغات وأتمها وأحسنها هي في اللغة العربية. Donc là comme on vient de dire si la personne par exemple c'est un arabe il n'a pas allé chercher des mots étrangers pour s'exprimer sauf dans le cas où il n'y a pas d'équivalent à ce mot là. Aujourd'hui, tu vas le voir, même chez les Arabes, plein de mots employés sont des mots étrangers. Alors que le mot arabe, il existe. Ils vont dire téléphone, alors que le hatif, ça existe. Ils vont dire, mathalan, boss, alors que hafila, pour dire bus ou car, alors que hafila, ça existe. Plein de choses comme ça. Et de fil en aiguille, eh ben, les mots arabes équivalents sont perdus. Même des fois, tu leur parles, tu dis hatif, il te fait une tête, et on dirait que tu l'as parlé en anglais, justement. Je dis, je te parle en arabe, là. Tu vois, il dit ah téléphone téléphone. Tu dis ouais hatif, on dit en arabe ça s'appelle hatif. Le mot hatif c'est pas pour le téléphone par exemple. Quand Allah wali hadha, donc il dit qu'il faut parler la langue arabe car c'est la meilleure des langues, la plus complète et la plus belle. Wali hadha nazal al-Qur'an bi lughati al-arabiyya wa huwa afdal al-kutub allati nazal Allah ta'ala ala rusuli wa kana aidan lisan akhar al-anbiya akhir al-anbiya وحاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم اللسان العربي وهو الدليل الواضح على فضيلة اللغة العربية. Donc il a dit il faut apprendre la langue arabe autant que possible car c'est la langue par laquelle le Coran a été révélé et le Coran est le meilleur des livres car Allah Azza wa Jalla a révélé à ses prophètes ou à ses messagers et la langue du dernier des messagers le meilleur des messagers. Donc tout cela sont des preuves que la langue arabe est la meilleure des langues. Non. هذا الذي أخذنا اليوم من هذين السؤالين فالحمد لله رب العالمين.